Pyrénéen, je suis. En after de jam. Et je viens sur cette ninja séchée. Allongé dans l'herbe à 4h du matin, juste regardant les étoiles. expose. De grands dangers. Le héros s'avance. Dans la nuit noire de l'oubli. Dans la nuit noire de l'oubli, le héros fait face au danger. Yes, I'm dangerous. Yes, I'm dangerous. Un père exemplaire, un mari affectueux, et pourtant, pour eux, je suis dangereux. Et pourtant, je suis dangereux, dangerous, dangerous, dangerous, dangerous, dangerous, dangerous, dangerous. I am dangerous, I am dangerous. Pour eux, je suis un homme dangereux. I'm dangerous. I'm dangerous. I'm dangerous. I'm dangerous. I'm danger, danger, daddy. Dansons au pied du volcan, vivant. need a drummer. D'accord. Encore faudrait-il stabiliser un peu. Hein. Je suis d'accord. Même si t'es pas d'accord. Peut-être trouver un juste milieu. Je suis d'accord. Si on peut tomber d'accord. Juste au milieu. Aller voir les océans. Chercher un centre encore. Bouscule. about to create, about to listen, about to make sound, about to share. That's the power. Power to make noise, to make sound, to share it. 13e journée en France contre le gouvernement pour lutter. Un peuple debout et fier. Un peuple debout continue. Thank you. je prie et dois et crois que jusqu'ici nul ne se plaint de moi. Et tout est prisé. musiciens qui se connaissent pas, qui jouent ensemble. Thank you. cascade. Thank you. lohnt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.